Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture sur Fadjet, où aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Marie Zimmer. Bonjour Marie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour la petite histoire, on s'était rencontrés au Salon du Livre de Saint-Max en novembre 2021. Et puis, on a dû reporter un petit peu notre rencontre parce que Covid, voilà, crise sanitaire, etc. Donc, je suis vraiment enchantée. Et moi, je te remercie de cette invitation. Ah, et alors, ça fait plaisir. Alors, je te propose qu'on fasse le schéma un petit peu habituel de Caprice de lecture. C'est-à-dire que l'émission est consacrée à l'invité du jour en très grande partie. Je vais te soumettre à un feu de questions. Il y en a cinq. Hein, un petit peu sur ton parcours, tes livres que tu as pu faire, un petit peu ton rapport avec le public, etc. Ensuite, on fera un petit point sur les lectures, on va dire, des enfants-ados, garçons-filles. Et puis, on terminera par le caprice de la semaine, qui est une découverte littéraire, comme on fait à chaque épisode de Caprice de lecture. Alors, Marie, peux-tu nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, on va dire, d'auteur ? D'auteur, oui. Voilà. Comment tu es arrivée aujourd'hui à ce que tu fais ? D'accord. Ben moi, j'ai toujours écrit. Je suppose que je ne dois pas être la seule à dire ça. Je sais que beaucoup d'auteurs le disent comme ça, mais moi, j'ai toujours écrit depuis toute petite. J'ai commencé à écrire les histoires que j'inventais avec mes deux frères, François et Bernard. D'accord. Et enfin, on faisait des jeux, on inventait, puis j'écrivais. Et tu étais la seule fille ? Ouais, j'ai cinq frères, je suis la seule fille. Donc, c'est toi qui menais un petit peu ton monde ? Non, pas forcément. Pas forcément. Tout cas, j'aimais écrire les jeux qu'on inventait tous les trois. Après, je me suis un petit peu essayée au niveau de la chanson. J'ai écrit des chansons, j'ai arrêté. Parce que, à 18 ans, je n'étais pas mûre pour faire ça, je pense. Ouais. Donc, j'ai eu une petite expérience au caveau de la Roëlle à Laxou. D'accord. À Villers, plutôt, Villers. C'est à Villers, hein. Ouais, Villers. Mm-hmm. Bon, puis après, j'ai commencé un boulot d'éducatrice spécialisée. Et c'est surtout là que l'écriture a vraiment été très importante pour moi. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre avec les enfants. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai écrit les premiers spectacles avec eux. D'accord, donc c'est ce qui t'a donné l'envie de faire de l'écriture jeunesse, quelque part ? Ouais, parce que c'était vraiment des gamins de 7-14 ans. Ok, alors justement, tu le disais, et c'était le but de ma deuxième question, tu as été dans une première vie éducatrice spécialisée auprès de jeunes en difficulté. Ouais. Donc du coup, comment tu passes de ce métier, qui est quand même très prenant, que ce soit, on va dire, professionnellement et humainement, hein, personnellement aussi. Comment tu glisses comme ça, tu vois ? Je veux dire, parce que tu expliquais que tu as fait des pièces de théâtre, tu as créé des pièces, et après tu bascules donc un petit peu dans la littérature jeunesse. Alors, la passerelle se fait comment ? Alors, avant de basculer vraiment dans l'écriture d'albums jeunesse, romans jeunesse, je suis passée par les nouvelles. D'accord. J'ai fait beaucoup de concours de nouvelles. Ouais. Et parce que j'arrivais pas à trouver d'éditeur, tout simplement, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai découvert un site qui s'appelle Ricochet. Oui. Et c'est un site européen de la littérature jeunesse. Et j'ai pu aller sur un forum et discuter avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment. Ah, c'est chouette. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Ouais. Ok. Alors, on va faire une petite pause musicale tout de suite avec Alain Souchon. Ouais. Malgré nos airs fâchés, dit tâcher de vivre attachés. Les cœurs des cœurs approchés, accrochés par un fil caché. Si le monde est démanché, tâchez de pas le lâcher. Le joli fil entre nos cœurs passés. Oh, le fil de nos sentiments enlacés. Oh, le fil nous lie, nous relie. Sur la terre tout est gâché, empêché, presque arraché. Alors faut s'amouracher, s'aimer, vivre attaché. Politiciens et méchés, sachez qu'on peut se fâcher, qu'il faut pas se filer toucher, l'arracher, ni les filocher. Le joli fil entre nos cœurs passés, oh le fil, le fil de nos sentiments enlacés, oh le fil, nous lie, nous relie. C'est un air détaché pour chanter le fil enchanté. Le joli fil entre nos cœurs passés, oh le fil, le fil de nos sentiments enlacés. Oh, le fil qui nous sert à nous resserrer. Oh, le fil tendu entre nous comme un lien. Oh, le fil qui nous tient, nous retient. Le joli fil entre nos cœurs passés. Oh le fil, le fil tendu entre nous comme un lien. Oh le fil qui nous tient, nous retient. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Marie Simer. Et pour cette troisième question, donc Marie, tu as à ton actif une douzaine de livres jeunesse, avec des thèmes abordés qui sont très très différents. Le tatouage, par exemple, la vieillesse, le voyage dans le Grand Nord, etc. Comment toi tu t'inspires de ces personnages et pour en fait créer toute cette diversité de textes? Ouais, il faut dire que j'aime bien tous les registres. J'aime bien écrire des nouvelles, pour les petits, pour les plus grands. J'aime bien le théâtre. J'aime bien toutes les formes d'écriture. Peut-être je touche un peu moins à la poésie. Donc du coup, j'aime bien diversifier aussi les thèmes. Je me force jamais trop, quoi. Je veux dire, ça vient comme ça. Okay. C'est vrai que pour la vieillesse, là, je vais lancer un clin d'œil à ma mère qui a 92 ans et qui voilà, m'inspire beaucoup pour Mémé Crevette, pour Mamie Lou. Ouais. Ce sont effectivement des histoires que j'écris en pensant à elle. Okay. Et je crois qu'on s'inspire toujours de ce qui nous entoure. Donc tu le fais avec le cœur, on n'est pas sur un... Tu sais, des fois, on appelle ça des phénomènes de mode, des thèmes qui sont abordés. Toi, on n'a pas du tout cette impression-là, en fait. Tu abordes ce qui te tient mode... à cœur. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, tout à fait. Ça, ouais. C'est chouette, du coup. Ouais, ouais. Parce que ça donne un côté humain, je trouve, aux différents livres. Mais je pense que, pas mal d'auteurs font comme moi. Je veux dire, je suis pas... Je pense que tous les gens qui ont vraiment envie d'écrire des histoires, ils le font en fonction des thèmes qui les intéressent, qui les touchent. Qui leur tient à cœur. Voilà. Ouais. Ok. Alors, pour une large partie, alors on est vraiment sur la partie littérature jeunesse, donc tu as des enfants jeunes, tu les rencontres lors de dédicaces, de salons, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu de quelques réactions cocasses ou drôles, parce qu'on sait que les enfants, enfin, surtout les plus jeunes, ils sont sans filtre. Ouais. Et du coup, des fois, ils ont peut-être des remarques. Voilà, est-ce que tu aurais des petits clins d'œil comme ça ou des petits flashs à nous faire partager? Alors, c'est vrai que les gamins, c'est bien avec eux parce que quand je les rencontre, surtout plus que dans les dédicaces, dans les classes où ça peut se passer. Ouais. Parce que dans les dédicaces, c'est assez rapide quand même. Okay. Il y a les parents, dédicaces, mais ça n'empêche quand même qu'il y a un contact, oui, avec les jeunes lecteurs. Ouais. Et dans les rencontres scolaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils peuvent être très enthousiastes. Ils ne comprennent pas que je sois... Ils ont du mal à comprendre, souvent, qu'ils ont en face d'eux un auteur vivant, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas bien quand ils rencontrent les auteurs pour la première fois. Ils pensent toujours qu'un auteur, c'est quelqu'un de très éloigné, quelqu'un qui est décédé. C'est abstrait pour eux, du coup. Oui, c'est ça. Donc, quand ils rencontrent l'auteur, c'est vrai que c'est toujours très, très sympa. OK. Alors, des petites... Bon, moi, ils me tutoient tout de suite. Ouais. T'as l'enseignante derrière qui dit ah non, vous tutoyez pas Marie, vous là vous voyez. Enfin voilà, c'est rigolo, moi j'aime bien parce que c'est très naturel et puis je me sens bien avec eux. Ouais. Et ils peuvent être aussi une source d'inspiration du coup. La première question qu'ils me posent toujours, c'est comment tu t'inspires, comment tu écris cette histoire. Alors j'essaye de leur dire que moi je m'inspire de tout. Ouais. Je sors de chez moi par exemple le matin. Je vois une dame qui promène son chien, le chien se barre, elle lâche la laisse, mais ça peut m'inspirer une histoire rigolote. Ouais, ok. Voilà. Je crois qu'on peut s'inspirer de tout. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que peut-être tu éveilles des vocations chez ces enfants-là. Il y en a certains qui écrivent déjà, qui me montrent ce qu'ils ont écrit. Ah, ils te montrent. Ouais, ils viennent avec leurs écrits, les dessins, ils font comme des bandes dessinées. Non, c'est sympa. Ah, c'est chouette. Mmh. Donc du coup, tu te renouvelles tout le temps. Enfin, je trouve ça super, quoi. Ouais, puis j'essaye de... Par exemple, un truc que je fais très régulièrement, je leur dis, quand vous êtes entrés dans la classe, qu'est-ce que vous avez vu dans votre classe? Et là, personne ne répond. Parce qu'ils ont tellement l'habitude, mais comme les adultes, on a tellement l'habitude d'arriver dans certains lieux. Dans son environnement habituel, ouais. Qu'on ne le voit plus. Et du coup, je leur montre qu'il y a certaines choses dans leur classe, moi, qui peuvent m'inspirer une histoire. Donc, ils cherchent, ils regardent partout. Ah, c'est chouette. Ouais. Ah, c'est bien. C'est une vraie interaction. Mais on pourrait le faire avec les adultes. Ah, ça marcherait très bien. Tu viens à la radio, est-ce que tu te rappelles comment c'est, tu vois, les petits détails que tu as. C'est vrai. Hmm? C'est vrai. On va faire une deuxième coupure musicale et on se retrouve juste après pour la dernière question à Marie. J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en. Et ça vaut de l'or. Caprice de lecture sur Fadjet. de retour dans cette nouvelle partie de Caprice de lecture avec Marie. Marie, j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler un peu si tu as un autre ouvrage en cours de création, de rédaction? À quel moment il va sortir? Est-ce qu'on peut avoir quelques petits éléments? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai travaillé depuis quelques semaines sur un ouvrage auteur en herbe, donc avec des classes. Okay. Donc, celui-là va sortir bientôt. D'accord. Avec les enfants. C'est les enfants qui ont fait les illustrations. Sinon, je travaille sur un projet particulier. Je ne peux pas trop dire quoi, mais c'est okay. Avec les éditions du Pourquoi Pas. D'accord. Je ne peux pas donner les détails, mais si je travaille là-dessus. On serait plutôt sur la littérature jeunesse ou oui, littérature... oui, littérature jeunesse. Toujours. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc on a de belles surprises qui nous attendent. Bah, j'espère. Bon. Merci Marie, en tout cas, pour cette belle interview. Et merci de t'être déplacée jusque dans les studios de Fadjet. Ça fait merci vraiment très toi. Plaisir. On va enchaîner tout de suite avec une petite enquête, justement, comme on est dans la littérature jeunesse, que j'ai dénichée. Alors, souvent, on dit que les enfants n'aiment pas lire ou quittent la lecture. Bon, et cette enquête, qui est publiée par J'aime lire, éditée aux éditions Bayard Jeunesse, nous dit tout le contraire. Les enfants adorent lire, mais parce que souvent, en tant que parents, bah, on a l'impression qu'ils sont tout le temps devant les écrans. Et en fait, ils aiment lire essentiellement, alors, le soir, quand ils sont accompagnés par les parents, et quand ils ont un peu de temps. Et quand on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils aiment lire? Eh bien, nos chers ados, souvent, aiment le manga. Les filles aiment un petit peu tout ce qui est les petites créatrices, les séries Cœur Vanille, etc. Mais on est moins sur du roman, on va dire, traditionnel, jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire? Et là, je te pose la question, Marie. Est-ce qu'il vaut mieux les laisser lire tout ce qui leur passe sous la main, parce qu'ils aiment lire et c'est toujours de la littérature? Ou est-ce que, comme parfois on entend quelques parents qui disent « Mais non, ne prends pas ça, tu es trop grand déjà », ou « Ne prends pas ça, c'est pas un roman », voilà, moi je pars du principe que à la seconde où c'est quelque chose qu'il peut lire et adapter à son âge et à son niveau intellectuel, il peut le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marie? Alors moi, je suis pas si pessimiste que ça, parce que pour avoir fait Montreuil en décembre, ouais. J'ai vu beaucoup d'ados qui repartaient avec des romans. Okay. Des romans, toutes sortes de romans, chez Sarbacane, chez Gallimard, enfin plein de romans avec des histoires qui leur correspondent et qui les intéressent. Ouais. J'ai davantage vu des parents avec des petits. Par exemple, au salon que j'ai fait récemment, où les parents disent « Non, non, non, tu prends pas ça. » Même à Montreuil, tu prends pas ça. Ils font le tour. Et finalement, ils reviennent avec leur gamin qui prend effectivement le livre qu'il avait repéré. Alors, au départ. Pourquoi les parents disent « Non, ne prends pas ça ?» Moi, je crois que ça part d'une bonne intention. C'est plus, ouais. c'est parce qu'ils ont envie de... Mais je trouve que c'est bien aussi. Hein. Je dis pas qu'il faut pas que les parents oui, le fassent. Faut qu'ils regardent. Mais c'est vrai que je suis assez pour qu'on laisse les enfants libres de choisir. De déchoisir. C'est important. Bah, le choix est important, mais en même temps, bon, je veux pas... Oui, nager la chèvre et les choux, mais je trouve que c'est important, les deux sont importants. Bah, la lecture est un plaisir, ouais. Un loisir et un voyage. Donc, bah, quelle que soit la forme de littérature, garçon, fille, quel que soit l'âge, laissons-les voyager, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, j'ai vu des parents regarder La Quatrième de Couve, d'un de mes romans d'ailleurs, ouais. Et puis dire oh, non, ça se passe là, ça ne va pas te plaire, tchac, le reposer. Je veux dire, d'où l'importance de La Quatrième de Couve. Oui, oui, oui, exact. Mais je crois que les parents pensent bien faire. Et je crois qu'il faut un mélange des deux. Il faut les diriger vers certains livres, mais en même temps, il faut surtout privilégier le choix, c'est important. Ok. Merci, Marie, merci pour ce beau témoignage, en tout cas en plus du Salon de Montreuil. Mmh. On va faire une troisième coupure musicale et on se retrouvera juste après pour le Caprice de la semaine. Thank you. un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance un vautour d'un coup d'aile, d'un coup de bec me rend aveugle et sourd à la détresse. Des pieds noix que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, les oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelles échappées de la poubelle des cieux. Thank you, my lord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il y a des allumettes au fond de ses yeux, des pieds noix que dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour. Caprice de lecture sur Fadjet. Nous abordons cette dernière partie d'émission Caprice de lecture, toujours en présence de Marie, qui va nous faire le plaisir de nous faire part de son caprice de la semaine. Vas-y Marie, c'est à toi. Ouais. Alors, plus qu'un livre, moi, j'avais envie de mettre à l'honneur un auteur vosgien que j'aime beaucoup, qui malheureusement est décédé, j'ai appris ça quand j'étais au salon de Montreuil en décembre, c'est Jean-Paul Didier Laurent. Mm-hmm. Voilà. Jean-Paul, c'est un talentueux romancier. J'ai fait sa connaissance quand on a gagné tous les deux un concours de nouvelles à Carqueiran. Et à ce moment-là, il écrivait que des nouvelles. Et il me disait, mais moi, je pourrais jamais écrire un roman. Et je lui disais, bien sûr que si, quand on écrit de façon aussi talentueuse que toi, bien sûr que tu peux écrire un roman. Et il est parti de la nouvelle qu'il avait gagnée à Carqueiran pour écrire son roman, le premier, le liseur du 6h27. Qui a eu un succès phénoménal dès sa sortie. Ouais. Et puis il en a écrit bien d'autres après. Hein. Alors, d'ailleurs, le prix qu'il devait recevoir en février. Le prix Erckmann Chatrian pour Malamute. Mmh. Ouais. Qui du coup malheureusement il n'a pas pu recevoir. Je voulais revenir sur le liseur du 6h27 parce que c'est vraiment un roman extraordinaire, un bijou de littérature, humain aussi et sentimental, vraiment quelque chose de fabuleux. Moi je le recommande à tous ceux, même qui ne seraient pas très branchés lecture. C'est aussi le but un petit peu de l'émission, hein, faire découvrir des choses, parce que ça glisse tout seul. Oui. Il n'y a pas de... On n'a pas à se torturer l'esprit, ça vous sort complètement du contexte. En plus, en ce moment, on vit un contexte un peu compliqué. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au moral. Et puis, c'est super, Marie, que tu aies pu lui rendre hommage. Et puis Jean-Paul, il a une façon d'écrire qui nous embarque tout de suite dans l'histoire. Ouais. C'est un vrai raconteur, quoi. Ouais. Un vrai raconteur. Et lui qui ne voulait pas écrire de roman, qui avait peur de ne pas réussir. Voilà. Merci Marie pour ce bel hommage. Merci encore de nous avoir accordé du temps pour venir enregistrer cette belle émission. Et vous pouvez la retrouver en podcast sur fadjet.fr et sur le site capricedelecture.fr. À très bientôt. Au revoir.